Fais-moi la chevaucée, oui, oui, la toute, la la, les vous et les hauts. Tout de suite, tout de suite, tout chevaucée, mes foutes, vos terrones, sous tes et à coco. La la la la la la, le tout, la la. Thank you. Et donc...